بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنقرأ هذا الكلام النفيس بإذن الله عز وجل من كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى المجلس الأول في فضل الصيام. هذا الكتاب تقدم معنا ذكره. On l'a déjà cité plusieurs fois. C'est un livre très très important. لماذا؟ لأنه traite un sujet عظيم, أي tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois connaître sur les différents mois de l'année. فمثلا il a cité le mois de Ramadan et il explique وظائف هذا الشهر, et qu'est-ce que tu dois faire في هذا الشهر, c'est quoi les adorations que tu dois faire dans ce mois, c'est quoi les bienfaits de ce mois إلى آخر. كذلك il a cité شهر شعبان ورجب, tous les mois, et il a cité est-ce qu'il y a des choses à faire, et كذلك il met en garde contre les choses à ne pas faire, مثلا toutes les innovations de رجب ou de شعبان إلى آخر. C'est un kitab nafis. ونقرأ ensemble des parties du premier majlis concernant le mois de Ramadan. قال المجلس الأول في فضل الصيام. Et هذا c'est très très important pour chaque musulman, خاصة avant le mois de Ramadan. لماذا؟ لأن si on ignore فضائل هذا الشهر, si on ignore les mérites et les bienfaits du mois de Ramadan et du jeûne et du qiyam, de tarawih ila akhirah, peut-être qu'on tombera dans une routine, iyadun billah. Et peut-être que ce siyam, au lieu de l'aborder comme une ibadah, une adoration, et espérer la récompense et patienter, peut-être qu'on sera comme certains qui ont pris هذا الشهر comme une ada, c'est devenu une coutume. Tout le monde jeûne, il jeûne. بعضهم ils savent pas pourquoi. C'est quoi la récompense? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? فقط أن ils ont trouvé les gens faire هذا الصيام العظيم فيصومون. فلهذا البعض يصومون لكن c'est que leur ventre فقط. وإلا leurs yeux font pas siyam, leur bouche elle fait pas siyam, les jawarih font pas siyam, فقط ils s'abstiennent de manger et de boire. بعضهم ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع يصومون ولا يصلون. هذا c'est très très grave. كيف tu délaisses عمود الدين, la ibadah la plus importante عند الله سبحانه وتعالى, la plus importante عند الله عز وجل, et tu fais un siyam. بعض أهل العلم ils sont clairs أن الصيام تارك الصلاة il n'est pas accepté, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, celui qui délaisse صلاة العصر فقد حبط عمله, et ses œuvres elles sont annulées. وفي الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, celui qui délaisse la salat, فقد كفر, il a mécru. بعض أهل العلم يقولون أن الصيام لا ينفع الكافر. Donc on doit faire des efforts avant d'entamer une ibad عظيمة. مثلا c'est bientôt le mois de Ramadan inshallah ta'ala, avant de commencer cette ibad عظيمة on doit s'instruire, on doit faire des efforts. C'est quoi la récompense? كيف t'assommes et tu ignores la récompense? C'est quoi qui te motive? C'est pour ça que c'est très très grave. On peut tomber fi had. تعلمون أن البعض ils ont pris هذا الشهر العظيم, شهر رمضان, c'est في الحقيقة c'est pour faire des معاصي, مسلسلات à la télévision, des séries, des films, بعضهم des concerts. والله on a vu des affiches, on a des concerts de fisc, de musique et de ijram. تعلمون les concerts, tout le shor qu'il y a spécial Ramadan كما يقولون. لماذا لماذا؟ لأنهم يكونس بالو دين. Et pourquoi? لأن عند البعض ce mois c'est devenu comme une période de vacances, une période où il faut prendre du plaisir. Et عند البعض c'est devenu une période pour faire de l'argent. حتى الكفار الآن يحاربون الإسلام طول العام. Et ils détestent l'islam, لكن quand le mois de Ramadan il est proche, ils font de la publicité au nom de Ramadan. Les madaliens, ils savent que les musulmans, ils dépensent sur Ramadan. Et les musulmans, hadahumullah, shahru Ramadan, c'est pour manger. Avant Ramadan, ils se préparent. Des recettes de cuisine, et ils achètent des choses que pour préparer la nourriture et leur temps du de Dohor jusqu'au Maghrib, c'est pour préparer la nourriture. Là, ils ne connaissent pas les bienfaits de cette ibadah azim. Donc, ce n'est pas s'abstenir de manger et de boire. Là, c'est une ibadah. Avant de commencer, tu dois avoir une intention, niya, wahtisab, et tu dois espérer la récompense, indallah. Et pour mieux te préparer, tu dois savoir comment les savants de l'islam y préparaient hada shahr? Comment salaf y faisait siyam? Comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qabla dhalik y faisait siyam? Enfin, c'est pour ça qu'on a choisi ensemble de lire hada al-kalam al-azim pour nous motiver et kadhalik pour ne pas oublier l'essentiel. Ne pas oublier l'essentiel, anna c'est une ibadah azim. Ba'dhum, ils ont des connaissances kuffar, pour pas dire des amis. Et الكافر هذا لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ولا يشهد شهادة الإسلام. Un kafir بالله عز وجل. لكن vu qu'il a des amis musulmans, عيادا بالله, il fait الصيام معهم. هم ils l'encouragent, ils sont contents. C'est une ibada. C'est pas un jeu. C'est pas pour qu'on se fasse plaisir entre nous. Là, c'est une ibada عظيمة. Elle a des conditions. فلهذا on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala كما أراد الله عز وجل وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. Pas avec le hawa. C'est devenu une tradition, c'est devenu des coutumes. لا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تأمل هذا الكلام العظيم. كل عمل ابن آدم c'est pour lui. Chaque œuvre que l'être humain il fait, que le croyant il fait, c'est pour lui. Et la récompense, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, et chaque hasana est multiplié par 10. Là, c'est un fadl azim. Quand tu lis le Coran, chaque lettre s'est multipliée par 10. Quand tu fais siyam an-nafila, si tu fais 3 jours, c'est comme si tu avais fait tout le mois. Si tu fais 3 jours par mois, toute l'année, lillahi azza wa jal, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Si tu le fais tous les ans, c'est comme si tu as jeûné toute ta vie. C'est ça qui motive à faire l'ibadah et à multiplier les efforts. Il a 700 dhif. Ça peut atteindre 700. Et chaque hasana, chaque bonne action, elle est multipliée par 10. Et kadhalik, ça peut atteindre 700. Elle peut être multipliée par 700. فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Sauf le صيام. Sauf le صيام, ça peut dépasser les 700. أي de 1 أو de 10 à 700, c'est pour les adorations en général. من صلاة وقراءة إلى آخر. الصيام, c'est à part, c'est au-dessus de 700. Et on verra pourquoi. Inch'Allah, ensemble, من كلام الحافظ رحمه الله قال إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل. هذا كلام الله عز وجل في هذا الحديث القدسي. أي أن ce croyant il délaisse sa shahwa, et s'il est marié il délaisse les rapports avec sa femme, وطعامه la nourriture, وشرابه la boisson, من أجل, أي pour Allah عز وجل. Alors que l'insan, il peut se retrouver dans un endroit seul et manger, boire, et personne ne le voit. Lakin yakhaf min Allah. Et il espère la récompense min Allah. Falihada, la récompense, elle est énorme. Vous avez remarqué que Al-Kafir, adou Allah, quand il réfléchit ahyanan sur hal al-mu'min pendant Ramadan, et la situation de mu'min pendant Ramadan, khasatan en été, ils sont étonnés jitten. Kaif, il ne boit pas min al-fajr ila al-maghrib. En été, ça peut commencer le fajr à 3h, 4h du matin, et le maghrib, dans certains pays, ça peut être à 22h, 21h30. Toute cette période, il ne boit pas. Et Obama, il travaille, et Obama, il a une activité, et il fait chaud. Tout ça, c'est min barakati hadihi l'ibada. Et ce mu'min, il espère la récompense. Même s'il se retrouve seul, personne ne le voit, il ne boit pas. Et il ne mange pas. Qala, wali sa'imi farhatan. Aïe, le jeûneur, il a deux joies. Farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Il sera heureux le soir quand il mange, et il sera heureux quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna al-mu'min, s'il fait une bonne action fi dunya, il est sincère bien sûr, et en suivant le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, il sera content yawm al-qiyamah, et de la récompense. قال ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك من ريح المسك خلوف الصائم c'est son haleine اطيب عند الله من ريح المسك هذا الحديث ابن رجب رحمه الله dans le premier majlis et le premier chapitre du mois de Ramadan dans son livre La Ta'if al Ma'arif il l'a expliqué en plusieurs pages et on lit ensemble certains passages. قال رحمه الله فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد sauf le صيام ça peut dépasser les 700 fois. C'est un fadl عظيم. Tu fais un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le multiplier par 10, par 100, par 500, par 700 ou plus. Ça dépend de la niya, bien sûr, ça dépend de l'ihtisab, ça dépend de l'objectif de hadha sa'im, de sa foi ila akhir. Fadlun min Allah. Et personne ne sait la limite de hadha, illallah subhanahu wa ta'ala. Et fadlullah, il est wasi, Allah il fait ce qu'il veut. Qala, fa inna siyam min as-sabr. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صحيح أن الصيام c'est من الصبر. الصيام c'est fondé sur la patience. Tu dois patienter pour ne pas manger, pour ne pas boire, pour continuer à faire tes activités إلى آخره. لا بد من صبر. On vit une époque الآن بعضهم vu que الصيام c'est devenu chez certains coutume عادة. Il ne sait même pas pourquoi il le veut. فليذا une petite chose pendant ce mois de Ramadan وبعضهم يشرح des fatwas et بعض أهل الضلال ils leur font ces fatwas pendant les examens مثلا est-ce que je peux manger et boire نعوذ بالله نعوذ بالله celui qui connaît أن هذا الشهر c'est الشهر الصبر il espère la récompense فسيصبر سيصبر. Ama celui qui a une activité très très dure et il peut pas et ça peut lui faire du mal et il est dans une situation délicate. Fahada c'est shay'un akhar. Ama on a cité cet exemple, une petite chose et robama ils essayent de trouver une excuse et des fatawa de un tel et un tel pour se rassurer, ne pas jeûner et rattraper plus tard en hiver. Ha'oula, wallahi, s'il connaîtrait la récompense. Et Allah azza wa jal pour As-Sa'im, il multiplie la récompense. Ça peut dépasser les 700 fois. Ils n'auraient jamais cherché hada. C'est pour ça que Sahaba radiyallahu anhum wa a'immat al-huda ba'dahum et al-mu'minun, al-mukhlisun, jusqu'à aujourd'hui, ils prennent du plaisir à faire siyam. Bel, quand le mois de siyam commence, ils yafrahoun. Limadha li'annahum, ils savent que c'est une force pour al-hasanat. وإذا انتهى شهر رمضان يحزنون ils sont tristes. لماذا لأنهم يسافر الله أعلم est-ce que ils seront encore en vie pour le prochain Ramadan أم لا Amma ahlul fisq wal fujur, et ceux qui font as-siyam min bab al-'ada, c'est une coutume. Que pour que les gens ils disent Fulan il fait siyam. S'il fait pas siyam, c'est un ar indahum, c'est une honte. C'est une ibadah, mais si tu suis les gens, t'arriveras à rien. Amma ha'oula idha ja'a ramadan, wallahi ba'duhum, ils sont tristes. Et idha intaha ramadan, ba'duhum, ils sont contents. Iyadan billah, limadha, les anahum, ils connaissent pas ces mérites et ces bienfaits. Qala rahimahullah, ba'da dhalik, wa amma qawluhu fa'innahu li. Tathkurun fil hadith, on relit le passage, qawluhu azza wa jal, كل عمل بني ابن ادم له ثم الى سيتي لا ريكومبونس عز وجل ثم قال الا الصيام فانه لي وانا اجزي به صف للصيام فانه لي سي بور الله قوله فانه لي قال الحافظ رحمه الله ابن رجب فان الله خص الصيام باضافته الى نفسه دون سائر الاعمال وقد كثر القول في معنى ذلك اي Les savants, ils ont expliqué cette partie du hadith avec plusieurs explications. قال ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان. Il va citer deux explications. C'est parmi les meilleurs. أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل. Vous avez remarqué que c'est que pour le صيام هذا. قال عز وجل فإنه لي أي الصيام. Pourtant, la chaque anna salat, wal hajj, wal zakat, كذلك, al-mu'min, il est fait que pour Allah Azza wa Jal. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala adhafa hadhi al-ibada, khassa ay as-siyam, il a dit fa innahu li, ay c'est que pour Allah. Limada? Qal li anna as-siyam, huwa mujarrad tark hudud an-nafs wa shahawatiha al-asliya lati jubilat ala al-mayl ilayha lillahi Azza wa Jal, wa la yujad dhalik fi ibadatin ukhra ghayr as-siyam. Cette ibadah, cette adoration au siyam, al-mu'min, il délaisse ce qu'il aime, min ta'amin wa sharabin ila akhire, lillahi azza wa jal. Et ça, c'est que fait le siyam. Tu ne trouveras pas une autre ibadah, en al-mu'min, il délaisse autant de choses qu'il aime, du matin au soir. Falihada, qala azza wa jal, vu que ce mu'min, il a fait ce sacrifice, et il a patienté, fa la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, il la multiplie akthar. قال ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات. أما si tu prends l'exemple de l'Ihram en période de Hajj ou de Umrah, المؤمن se met en état d'Ihram et il n'a pas le droit de faire certaines choses. مثلا celui qui est marié n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme en état d'Ihram, et كذلك il ne doit pas mettre de parfum, il doit délaisser certaines choses. لكن il a le droit de manger, boire, il a akhri. Donc il y a une différence. Un masriyam, même la nourriture et la boisson, des choses vitales pour l'insan, une partie de toute la journée plutôt, du fajr jusqu'au coucher du soleil, il délaisse lillah. Qala wa amma as-salat fa innahu wa in taraka al-musalli fiha jami' ash-shahawat illa anna muddataha la tatul. Wahadi peut dire à salat kedalik. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit d'avoir de rapport. Lakin la salat, le temps, il est très très court. Combien de temps la salat, elle va te prendre, une salat obligatoire? Elle va te prendre 5 minutes, 10 minutes, celui qui l'a fait pendant longtemps au masjid, 15 minutes. Amma as-siyam, c'est du fajr jusqu'au maghrib. Qala, فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. C'est pour ça que le musalli sent pas de difficulté pendant sa salat, أنه il a faim ou il a soif. إما il mange avant, il boit avant, إما il mangera après, il boira après. بل le musalli, si l'heure de la salat est arrivée et al-musalli il a faim et son repas il est prêt, famina sunna, c'est qu'il commence par manger. Limada li anna si fi salat, dans cet état il sera pas concentré. Ça nous montre anna fi hadha al-hal, tu fais passer la nourriture avant. Amma siyam fala, tu manges pas et tu bois pas du matin au soir. Qal al-wajh al-thani, intahayna min al-wajh al-awwal ay qawluhu fa innahu li. La deuxième explication, anna siyam sirrun, بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله. هذه العبادة في الحقيقة سير بينك وبين الله. لماذا؟ لأن واحد il peut manger et personne le voit et les gens ils pensent qu'il fait siyam. Contrairement à salat, quand tu fais salat les gens ils te voient, quand tu vas au hajj les gens ils te voient. كثير من العبادات. أما هذه الصيام هذه العبادة الصيام في الحقيقة لا يصبر عليها إلا المخلصون إلا المخلصون. كلما الإنسان إلى إخلاص قوي كلما إن شاء الله تعالى يسرع ريكومبانسي. قال والترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. نعم. سي دو بوان سي دو بوان اي لو دوزيام بوان ان الصيام سر بين العبد وبين ربه. قال وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا سيقول الله عز وجل في الحديث القدسي. أي أن ce croyant il a laissé sa شهوة. Et il n'a pas de rapport. Pourtant, il est marié. Et peut-être qu'il a des envies, lakin il délaisse lillahi azza wa jal, kadhalik sa nourriture et sa boisson. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح وهذا أعظم وهذه أعظم شهوات النفس. C'est trois choses. Les rapports, la nourriture et la boisson, c'est أعظم شهوات الإنسان. Et l'homme ou femme, ils ont été créés, ils sont attirés, ils ont besoin de ces choses. Le croyant, il délaisse ces trois choses, lillahi azza wa jal, pendant un mois, la journée. Amma la nuit, c'est autorisé, bien sûr. Qala wa fi taqarrub bi tark hadhihi ash-shahawat bi siyam fawaid. Et il y a une faïda azima de délaisser ces trois choses. C'est pour ça que, au départ, on a mis en garde nous-mêmes et nos frères et ceux qui nous entendent. On fasse attention que cette adoration, ça ne devient pas une coutume. Il y en a, si on sait les bienfaits de délaisser ces trois choses pendant cette période, ça nous aidera à être plus sincères. Parmi les fawa'id de délaisser la nourriture, boisson, etc., kasru nafs, fa inna shiba' wa ri. Shiba' c'est le fait de ne plus avoir faim. Et ri, c'est ne plus avoir soif. وَمُبَاشَرَةَ النِّسَاءَ تَحْمِلُ النَّفْسَ عَلَى الْأَشَرْ وَالْبَطَرْ وَالْغَفْلَةِ. الحقيقة هذا الشهر c'est un rappel une fois dans l'année. Une fois dans l'année pendant un mois, الحقيقة c'est un remède pour ton nafs. C'est un nettoyage. C'est un rappel pour le mu'min. Comme le Jumu'ah, c'est un rappel une fois dans la semaine. أن المؤمنين إذا assistent à Jumu'ah et ils entendent le khutbah, le sermon et l'imam ينصح ويذكر المسلمين. C'est un rappel. Il te montre telle chose c'est halal, telle chose c'est haram, telle chose il faut la faire, telle chose il ne faut pas la faire. هذا الشهر c'est un rappel pour ton nafs. Pendant un mois tu te prives pendant la journée. لماذا؟ لأن الإنسان s'il mange trop il est toujours rassasié, il boit trop il n'a jamais soif. Et كذلك كثرة مباشرة النساء ça va le pousser à ces choses الأشر والبطر والغفلة. أما الغفلة c'est l'insouciance, il oubliera. لماذا؟ لأن le cœur est durci. Si le ventre il est rempli, en général le cœur est durci. لأن la faim ça rappelle. وهكذا ça pousse الأشر والبطر, c'est le fait d'oublier الشكر. Ça peut pousser à كفر النعمة, ça peut pousser au طغيان. أن الإنسان il a plus de limites. Et تأمل حال أعداء الله أنهم كثير منهم ils sont à l'aise dans ces domaines, ça les a poussés au tourian et au zulm ou l'inhiraf, iyadun billah, être injuste, à dépasser les limites. قال ومنها تخلي القلب للفكر والذكر فإن تناول هذه الشهوات قد تقصي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقة ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. C'est un remède. أن si الإنسان في الصيام il a le ventre vide, ça va lui permettre de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué que même un mu'min, tu prends même celui qui est très très éloigné du din pendant toute l'année, ça reste un mu'min. Fi Ramadan, tu le trouves, il fait plus d'efforts. Fi Ramadan, tu le trouves, il écoute plus. Fi Ramadan, rubbama, il écoute le Coran, il assiste à un dors, il va au masjid. Limada, li'anna, le cœur, il s'adoucit avec le siyam. C'est pour ça que c'est un ilaj azim. Et on vit à une époque, nahnu, anna ba'dun nas, ils ont pris hadha siyam comme ilaj contre les maladies. Faqat. Et ça, c'est grave. La shak, anna Allah azza wa jal, shara'a hadha siyam, fa fihi fawa'id kathira. Comme ça y a-t-il mis kalam ibn Rajab rahimahullah. Pour notre cœur et pour notre corps. Lakin on fait attention cette niya fasida. Anna al-ba'd ils font siyam pour perdre du poids. Al-ba'd ils font siyam limada. Ils en profitent ramadan lakin fa al-haqiqa leur cœur il est partagé. C'est des mu'minoun lakin ghalabat alayhim an-niya mathalan. Ils savent très bien. Hatta les kuffar al-an, les médecins, la médecine, ils ont montré les bienfaits du siyam. Ça nettoie l'estomac, ça te permet de te préserver de beaucoup de maladies. Cette niyal a pris le dessus. C'est très très grave. Les nas, c'est une ibad. Même si, maintenant on donne un exemple, même si les koufars ils auraient montré que siyam c'est très grave pour la santé, ne pas manger, ne pas boire, ça peut nous emmener telle maladie, on aurait dit c'est pas grave. Sam'an wa ta'atan lillahi azza wa jalla. Li'anna Allah azza wa jalla, c'est lui qui nous a créé. Wa huwa a'lam bi khalqih. Lakin, nous, on sait très bien que vu que c'est une adoration, il y a forcément des biens. Et même les kuffar al-an, ils ont admis hada et ils encouragent certains à jeûner une période. On fait attention à hada. Nous, on fait l'illah, azza wa jal, et on sait que, alhamdulillah, il y a des bienfaits kadaliques pour notre corps. Lakin, l'intention principale, c'est l'adoration. Enfin, on fait attention à hada. Badhum, ils en profitent Ramadan pour perdre du poids. Et leur niya, ça devient hada. Hada, c'est grave. Si l'intention, c'est de perdre du poids, fa tu gagneras min hada siyam que ta perte de poids. Faqat. Amma l'ajr, la bud min ihtisab, la bud min niya, ay, vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, yunawwiru l'qalb, wa yujibu riqqatan, wa yuzilu qaswatahu. C'est pour ça que tu trouves un muslimoun fi hada shahr, ils sont ala hala ahsan. Tu trouves, fait chaud Ramadan, il y a beaucoup de traits. Les cœurs, ils sont adoucis. Et les gens, ils donnent un peu plus d'importance à leur dîn. Fait, tu vois les fruits. Tu vois les fruits directement. Qala wa minha, et parmi les bienfaits de délaisser nourriture, boisson, etc. Anna al-ghani ya'rifu qadra ni'matillahi alayhi bi iqdarihi lahu ala ma man'ahu kathiran min al-fuqara min fudul al-ta'am wal-sharab wal-nikah. فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق. Ça rappelle que ذلك pour t'éduquer, أخي الكريم. Ne pas oublier أن cette boisson, cette nourriture, cette femme que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné إلى آخره, c'est من نعم الله عز وجل عليك. Et en te privant, tu ressentiras ce que les pauvres ils ressentent toute l'année. Certains ils ont du mal à manger toute l'année. Certains ils ont du mal à boire. Certains ils ont du mal à se marier. Ils n'ont pas les moyens. Enfin, là, chacun a ses choses. Chaque être humain, on a dit, il en a besoin. Fihi, shemin al mashaqqa, d'être privé de ces choses. Avec ce mois, ça te rappelle. Ça va te pousser à être modeste envers tes frères qui n'ont pas. Ça va te pousser à te rappeler, ça va te pousser à ne pas gaspiller. Ça va te pousser à donner de la valeur à ce que tu as. Ça va te pousser, kadalik, au shouk. C'est une ibadah azim, à être reconnaissant. Ça va te pousser, kadalik, à reconnaître que toutes les ni'am que tu as, c'est min Allah. Wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah. Qala, فَيُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْغِنَى وَيَدْعُوهُ إِلَى رَحْمَةِ أَخِيهَ الْمُحْتَاجِ وَمُوَاسَاتِهِ بِمَا يُمْكِنْ مِنْ ذَلِكَ. Donc deux choses, ça va nous pousser à être reconnaissants, ne pas oublier le khayr que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et kadalik ça va nous pousser à aider nos frères qui n'ont pas, ne pas les oublier. وَمِنْهَا parmi les mérites كذلك أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم. يعني الإنسان il est affaibli et vu qu'il n'a pas mangé, n'a pas bu, il a akhiré. Et هذا لا شك أن ça va entraîner une فائدة عظيمة. قال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان. Vu que le shaitan il coule, ou yajri, n'am, il se déplace fait l'insan, comme le sang il coule dans les veines, avec un siyam, hadha al-majra, il se resserre. Et ce passage qu'il y a entre les veines, ça se resserre avec le jou' ou le ta'b. Donc là, chek, un shaitan yad'ouf. C'est pour ça que tu trouves le musulman, il a beaucoup plus de facilité à délaisser les péchés fait Ramadan. Et il a beaucoup plus de facilité à faire atta'at. كذلك الشيطان يكون موال مؤمن في هذا الشهر بل جاء في الحديث أن الشياطين يصن أتشي ولله الحمد. قال وتنكسر ثورة الشهوة والغضب ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء. Vous avez remarqué qu'en état de siyam tu sens une faiblesse, là tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu et tu es moins attiré par certaines choses. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونسيي كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه celui qui ne peut pas se marier de faire الصيام فإن له وجاء أي ça va être une aide pour patienter face à cette شهوة لأن l'être humain il est comme ça, il a besoin de cette chose. لكن si tu peux pas te marier أخي الكريم fais beaucoup de الصيام toute l'année, ça va te permettre de patienter face à cette shahwa. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم وغوبيان حديث وللصائم فرحتان أي دو جوا فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. Le premier cas il est clair, فرحة في الدنيا أن الإنسان vu qu'il a été privé toute la journée لله عز وجل c'est des choses qu'il a besoin, فلا شك أنه يفرح. Le moment de manger, boire, يفرح. Et c'est min al-halal, il en profite, walillahi al-hamd. قال وأما فرحه عند لقاء ربه. La deuxième joie. فيما يجده عند الله من ثواب الصيام. ومدخرا. أو قال من ثواب الصيام مدخرا. فيجده أحوج ما كان إليه. C'est cette niya qu'on ne doit pas oublier. هذا الاحتساب. أن هذا الصيام que tu fais لله. Espère la récompense. N'oublie pas. Anna yawman, yawm al-qiyama, tu auras beaucoup besoin de ces hasanat. Et un jour, il est multiplié, il peut être multiplié plutôt par des centaines de hasanat. Enfin, ça nous pousse à être sincères, on se motive, et nafrah, et on espère cette récompense. Qala kama qala Allah ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah, huwa khayran wa a'zama ajra. Ça c'est min fadl Allah azza wa jal. Une hasana, elle est multipliée. Par 10, ça peut aller jusqu'à 700 et 100, c'est plus. Un péché, une sayya, ça reste une, c'est pas multiplié. Ça c'est min fadl Allah. Walakin akthar an-nas la yashkurun. Al haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout facilité. Tu te trompes, fais tawba, Allah il te pardonne. Belle, tes mauvaises actions elles sont remplacées par des meilleures. Une hasana, elle est multipliée. Si tu as oublié, tu n'as pas fait exprès, tu n'es pas pris en compte. C'est facilité, jiddan. Lakin, il faut un cœur pour se rappeler de hada. Qala, wa qala ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khayrin muhdara. Ay hadir. Celui qui a fait du bien, il le trouvera devant lui. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Mithqala dharra. Même quelque chose de très très petit, infiniment petit, tu le trouveras. Ne néglige pas هذا الخير. قال والصائمون على طبقتين. Ceux qui font siyam, ils sont de deux catégories. C'est pour ça que le but, ce n'est pas que de ne pas manger, ne pas boire. Là, tu trouves tabaqat. Certains, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils gagneront de leur siyam que l'atash wal jou', que la faim et la soif. Ceux qui ont une mauvaise niya ila akhir. Ils se privent, c'était pas l'illah. Enfin, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a eu faim, il a eu soif, faqat, il a aucune récompense. Tu trouves certains, un siyam, il est multiplié par 100, par 200, par 700 ou akthar. Ça dépend de la niya. On a, il va citer deux catégories. إحداهما la première, من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة فهذا قد تاجر مع الله وعامله. Et ça c'est أنفع التجارة. Le meilleur des commerces c'est هذا. C'est que tu fasses لله عز وجل et tu espères la récompense. فهذا يفعل الصيام لله يدلس boisson nourriture pour Allah سبحانه وتعالى et il espère الجنة. قال والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل ولا يخيب معه من عامله بل يربح عليه أعظم الربح. Un jour Allah il te le multiplie par 10, par 100, par 700 ou plus. Contrairement au commerce d'aujourd'hui, Robama, tu as besoin d'une marchandise, tu dois donner le prix. Tu fais un petit peu, il te donne énormément. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أتاك الله خيرا منه خرجه الإمام أحمد. Celui qui délaisse une chose لله. ما بالك celui qui délaisse boisson, nourriture du matin au soir pendant un mois, pendant plusieurs mois, durant toute sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace par quelque chose de meilleur. قال فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. Vu que le mu'min s'est privé de la dunya pendant un mois, et من وفقهم الله subhanahu wa ta'ala ils font siyam toute l'année, le lundi et le jeudi, ou trois jours dans le mois, ou akthar, ou aqal, le muhim, ils négligent pas hadil ibada, fal jaza min jins al-amal. Vu qu'ils ont délaissé ces choses, Allah il leur donnera fil jannah. Ta'amun wa sharabun wa nisa. Qala Allah ta'ala, kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya. Qala Mujahid rahimahullah wa ghayruh. من أئمة المفسرين من أئمة السلف كما يكسبك القرآن بعضهم يزودي نزلت في الصائمين. Ce verset c'est la récompense de ceux qui faisaient الصيام. كلوا واشربوا لماذا؟ لأنهم يزون ils se sont privés في الدنيا لله عز وجل. الطبقة الثانية من الصائمين, la deuxième catégorie, et elle est أرفع, c'est un rang beaucoup plus élevé que la première. قال من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا هذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. فتأملوا أن هذا يصوم toute sa vie. C'est quoi son siyam? Ça ne veut pas dire qu'il délaisse nourriture et boisson et ne se marie pas. Abadan. Al-siyam, l'ouratan, c'est l'imsak. C'est le fait de s'abstenir. Fahada, il s'abstient de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa il est sa'im. Kama anna sa'im, fi ramadan, il s'abstient, il se prive de boire, manger, il a akhiré. Fahada, il fait attention à son regard. Il fait attention à sa langue. Fais attention à ses mains, à ses pieds, où est-ce qu'il va, qui il fréquente, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il regarde. Yassoum lillahi azza wa jal. Il est considéré comme ça. Et mais bien sûr, yassoum siyam ramadan. Qala rahimahullah, yuridu l'akhira fayatruk zinat al-dunya. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter du halal et on délaisse totalement al-dunya kama yaf'al ghulat al-soufiya al-dullal abadan. Lakin, la priorité, ce n'est pas al-dunya. Et si dunya ça nous fait du mal à notre din, on fait attention. Kayf pour un diplôme. Allahu a'lam, c'est un diplôme, quelle science il étudie, هذا المسلم. Dans quelle situation? Ta'lamoun anna beaucoup les écoles c'est mixte et beaucoup de sciences c'est du haram, philosophie et autres. pour ce diplôme qui ne vaut rien, c'est un mal pour ce musulman, est délaissé un jour ou plusieurs jours de siyam, iyadam billah. Ou la haqiqa, ils n'ont pas goûté à mitle hadha al kalam. Dans les cœurs, ils durcissent et ils essayent de trouver des rukhas et des permissions. Fulan, il a dit, je rattraperai. C'est pas comme ça, din. Din, c'est fondé sur le mahabba. Ces adorations, on doit les faire du mahabba. Fata'ammal hadha. Yuridu l'akhira fayatruk zinat ad-dunya. Ce qui lui fait du mal à son din, il le délaisse. Ad-dunya, c'est une fitna. Ala taghtarru bil mal. On fait attention. Anna, celui qui a réussi, c'est pas celui qui travaille. Faqat. Qui a un salaire, qui a une bonne place. Là, combien de ceux qui travaillent, ils sont fait une hiraf, wa dhalal, wa kufr. Celui qui a réussi, c'est celui qui applique hada, qui arrive à atteindre ce niveau. Yassoum lillah, tul hayate. Aïe, il délaisse le haram. C'est ça, le siyam. Le vrai siyam, c'est de délaisser le haram. C'est pas que ne pas manger, ne pas boire. Et bien sûr, le mois de Ramadan, c'est haram de manger et boire. Donc, on délaisse la nourriture et boisson. Wa illa, faman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, fa il applique hada. La récompense, c'est quoi? Qala fa hada idu fitrihi yawma liqa rabbih. As-sa'im, pendant le mois de Ramadan, à la fin du mois, le premier jour de Shawwal, il y a Eid al-Fitr. Et les musulmans yafrahoun wa lillahi alhamd, ils se font plaisir avec nourriture, boisson, ila akhir. Les madal, il y en a pendant un mois, ils se sont abstenus. Hada son Eid, al-Eid al-Akbar, qui l'attend, c'est yawm al-Qiyamah quand il rencontrera Allah Azza wa Jalla. Et il verra Allah subhanahu wa ta'ala et il rentrera fil jannah. Et fil jannah, la nasab, wala ta'b, wala fitan, wala alam, wala shay min al-adha. Que des délices, que du plaisir, walillahi alhamd. Toute sa vie, siyam. En fait, cette vie, cette dunya, c'est comme une journée de siyam, du fajr au maghrib. C'est pour ça qu'on n'a pas lu Kalam ibn al-Qayyim entier. Il y en a assez trop long, lakin il montre un. Si tu réfléchis bien, une grosse partie de la journée, elle est passée. Si on compare une journée de siyam à ta vie. Maintenant, quand tu fais siyam, tu commences au fajr, arrive au dhuhr, tu as fait à peu près la moitié. Thumma arrive au asr, tu as fait les trois quarts, il reste qu'un peu. Thumma le maghrib, il arrive, alhamdulillah. Tafrah, tu manges, il a akhir. Cette dunya, c'est exactement la même chose. Le fajr, on a commencé l'amal quand on a atteint le boulour. Et Al-Malak, il commence à inscrire tout ce que tu fais. Fal-Haqiqa, tu as commencé. Allahu A'lam, on est arrivé à quelle partie? Les Anna, hadha siyam, tu n'as pas waqt al-iftar, tu ne l'as pas, c'est la mort. Fallahu A'lam, c'est quand? Donc tu dois da'iman faire des efforts. Enfin, on ne sait pas, peut-être qu'on a fait la plupart de notre journée. Matalan, Rubbam al-Ba'd, ils vont mourir cette année, ou dans un an, dans deux ans, peut-être qu'ils ont fait 90%, il ne reste rien. Fasbir. Accroche-toi à ton din. Celui qui meurt, ala hada al-hal, annahu yastakhir du haram et abada Allah azza wa jalla wahda, la shirk wala bid'a wala khurafat, tamassuk bis-sunnah, fa bi'idhn Allah azza wa jalla, si il meurt, fa 'eidun fi qabri, la récompense. 'Eidun yawm al-qiyamah, il est avec l'abrar, il verra Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr fi al-jannah. قال الحافظ رحمه الله وقوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أي l'odeur, la laine du jeûneur, أطيب عند الله, chez Allah, elle est أطيب من ريح المسك. المسك c'est du parfum. قال رحمه الله خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة. Il explique al-khulouf, c'est la laine. C'est dû à vu que l'estomac il est vide, enfin des choses ils remontent de l'estomac et ça donne une odeur dans la bouche. قال لخلوي المعدة من الطعام بالصيام وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا. C'est une odeur qui est pas agréable في الدنيا si tu la sens. En tant qu'être humain. قال لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن طاعته. لكن عند الله c'est une رائحة طيبة. لماذا؟ لأن la cause de cette odeur c'est l'obéissance, c'est الطاعة. قال وابتغاء مرضاته كما أن دم الشهيد يجي يوم القيامة يثعب دما. قال لونه لون الدم وريحه ريح المسك. هكذا دم الشهيد. Le sang pour nous, في هذه الدنيا, quand il y a du sang, c'est pas quelque chose d'agréable. L'odeur, la couleur, il a آخره. عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة, la couleur, ça sera du sang, et l'odeur, c'est du misk. نعم. وريحه ريح المسك. Et كذلك à cause de l'ignorance. Ou le manque de ihtisab, tajid ba'd al muslimin al-an, quand as-siyam débute, ils sont très très gênés par leur haleine. Ayyadan billah, ba'd hum rubbama, ils font des choses qui annulent le siyam pour enlever cette odeur. Al-jahl. Amma al-mu'min il est murtah walillahi alhamd. Limadha li'anna al-mu'min kulluhum, ils font as-siyam, ils ont cette odeur, sauf ceux bien sûr qui ont une excuse. فلهذا سفجيني كيف الحقيقة سفجيني إما جاهل إما ننمي دل الإسلام لا تبالي بهؤلاء نبلي بهذا أن عند الله سأطيب من ريح المسك لكن الغفلة وقسوة القلوب سبوس بعض الناس أجير هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا صيام هذا الشهر العظيم ونسأله الإخلاص والثبات ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله جودي ونسأي دو فينير لا رسالة كشف الشبهات وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La référence donc la طائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف c'est un livre il est imprimé comme à terre un مجلد. Et rechercher dans ce livre, c'est très simple. Le sommaire, c'est classé par mois. Donc pour retrouver Hadha al-Kalam, tu cherches le mois de Ramadan. Et c'est le premier point. Ay fadl al-siyam.